téléphone avale mon fric. Vite un courrier électronique. C'est sur internet que je nique. Ma guitare reste électrique. On se regarde en cathodique. On se retrouve par satellite. Y'a comme un bug, y'a comme un hic. Les SMS c'est pas mon trip. À peine on s'aime car on se quitte. Car aujourd'hui tout va très vite. Qui s'y frotte se fibre optique. Moi je n'aime pas.